toujours vivant, je suis bien là, je pète la forme, je suis pas FK. Doc Willy n'est plus, mais c'est pas mon cas, même si je regrette bien ce gars-là. Plein de nouveaux autour de moi, de parodies qui se font leur place, sur Parodyland qui est toujours là, et moi je suis dans la masse. Toujours vivant, je suis bien là, je pète la forme, je suis pas AFK. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'expulser. J'ai toujours internet, mais j'aime pas YouTube. Je me suis même repris une nouvelle GameCube. C'est let's play à la con, remplace les YouTube poupes. J'ai toujours mon point com, mais j'ai toujours pas de groupe. Je suis devenu un brownie, c'était assez inattendu. Un nouveau public, une nouvelle vie, je suis même membre de Brownie Cube. Toutes ces rumeurs sur Herobrine fleurissent toujours sur plein de pages. Sur Minecraft et ce qu'on m'a croisé, je crois pas, pourtant j'y suis allé. Toujours vivant, je suis bien là, je pète la forme, je suis pas AFK. Il est pas né ou mal barré, le con qui me fera interner. J'ai pas besoin de faire gaffe à chaque convention, car y'a que en cosplay que je fais bouger le salon. Certains m'ont enterré, voire même juste oublié. Dites à ces gars que je continue de chanter. Mais je ne vous ai jamais oublié, et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je vous dis merci bien. C'est grâce à vous si je me sens bien. Trop content de vous retrouver, je veux continuer à faire le fou, continuer à écrire et à chanter, chanter pour tous les otaku. Toujours vivant, je suis bien là, je pète la forme, je suis pas AFK. Il est pas né ou mal barré, le poisson qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné, je vis dans un 50 mètres carrés. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces petits trolls peuvent continuer de baver. Moi hors de YouTube, je continue de chanter.